les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Un mystère encore plus mystérieux que celui de la chambre jaune, celui de la fameuse galerie, peut-être. Désintégration de la matière, nous allons l'apprendre. Munissons-nous d'un revolver. Quand sera-t-il utile de se faire tuer pour vous, Rouletabille? Mais dès ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que ce soir, j'attends l'assassin. Incroyable. Et le parfum de la dame en noir? Chaque chose en son temps. Mais comprendre le mystère de la chambre jaune, ne serait-ce pas précipiter Mathilde vers la mort? Voici les épisodes 12 et 13 du feuilleton « Le mystère de la chambre jaune », diffusé pour la première fois sur France Culture les 16 et 17 août 1983. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Voilà, mon bon maître, voilà ce qu'a été ma soirée chez le président de la République. À la fois cocasse et fertile en émotions. C'est vrai, oui. Et je ne sais pas par quelle sorte de prémonition, mais j'ai eu toute la nuit devant les yeux la double image de Robert Darzac et de Mathilde Stangerson. Ah, vous imaginez sans mal l'effet produit par la nouvelle de l'assassinat de la fille du professeur. Et comment oublier les mots terribles prononcés par Robert Darzac? Terrible, en effet. Faudra-t-il que je commette un crime pour que vous soyez à moi. Et drôle, Sinclair, ces mots n'ont pas cessé de me hanter. Et pourtant, voyez-vous, ce ne sont pas ces mots-là que j'ai rapportés à Robert Darzac quand nous sommes rencontrés au Glandier. Oui, en effet, vous avez cité une phrase où il était question de presbytère, de jardin. Une phrase que Mathilde Stangerson semblait avoir lue sur le papier qu'elle tenait à la main. Et Darzac a changé complètement de visage, il était blême, décomposé. Et subitement, il vous a fait ouvrir toutes grandes les portes du château. Exact. Dites-moi, Joseph. Oui. À cet instant précis, pensiez-vous que Robert Darzac était l'assassin? Honnêtement, non, non, vraiment. À cet instant précis, comme vous dites, le plus sérieusement du monde, je ne pensais à rien. D'ailleurs, comment aurais-je pu penser à quelque chose? Je ne possédais aucun indice. Alors, comment, étant si mal informé, avez-vous osé l'interroger de façon aussi brutale? Ah, ben, mon cher Sinclair, il fallait, en un temps record, que Darzac me prouve, même à son insu, qu'il n'était pas blessé à la main. Et que de ce fait, il n'était pas l'assassin de la chambre jaune. Et alors, quand nous avons été tous les deux, je lui ai raconté ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation avec Mathilde dans les jardins de l'Élysée. Et quand je lui ai avoué avoir entendu toute la conversation, vous n'imaginez pas à quel point il fut troublé. Apparemment moins, toutefois, qu'il ne l'a été par la phrase sibylline et obscure, ayant trait à un presbytère et un jardin qui ne peut être qu'un jardin de curé. Très bien raisonné, Sinclair. Mais en vérité, ce qui a jeté Robert Darzac dans une véritable consternation, ça a été d'apprendre de ma bouche, à la soirée de l'Élysée, que Mathilde s'était rendue l'après-midi même au bureau de poste numéro 40, chercher une lettre. Et cette lettre, c'était peut-être elle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Élysée. Et on rappelait, elle se terminait par cette phrase que vous connaissez. Et hypothèse vérifiée lors de votre enquête. Voilà, exact. C'est une partie de la lettre datée du 23 octobre, découverte dans les cendres de la cheminée du laboratoire. Oh, c'est extraordinaire. Cette lettre avait été écrite et retirée du fameux bureau de poste numéro 40 le même jour. Donc, il ne fait aucun doute qu'en rentrant de l'Élysée la nuit même, Mathilde Stangerson a voulu brûler ce papier un peu comme s'il était compromettant. Parfaitement, et Robert Darzac a nié avec véhémence que cette lettre eut un rapport quelconque avec la tentative de meurtre. Alors, qu'avez-vous fait ? Je lui ai dit que dans cette affaire, tellement mystérieuse, il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre, et que moi, je la croyais d'une importance considérable, cette lettre. Le ton désespéré avec lequel Mademoiselle Stangerson avait prononcé la phrase fatidique, ses pleurs à lui, cette menace de crime qu'il avait proférée à la suite de la lecture de la lettre, ne me permettait pas d'en douter. Alors il est devenu de plus en plus agité, et c'est là que j'ai résolu de profiter de mon avantage. Décidément, monsieur Rouletabille, vous semblez posséder un art particulier pour écouter les conversations qui ne vous sont pas destinées. Il ne fait nul doute pour quiconque que vous enquêtez sur les faits et gestes d'une personne qui a failli être victime d'un meurtre. Ne serait-il pas plus utile de vous préoccuper de son assassin ? Mais cher monsieur, l'assassin, comme vous dites, est à l'autre bout de ce fil conducteur. Un meurtre ressemble à un cheval mécanique. Si vous partez du cheval, vous aboutissez obligatoirement à l'extrémité du lien que tient l'enfant qui promène son jouet. C'est en partant de Mathilde Stangerson que je trouverai le criminel. Or, je sais également d'où provenait la lettre qu'elle vous a lue alors que vous vous promeniez le long du cours Marigny. Et d'où venait cette lettre ? Du bureau de poste numéro 40. La lettre à laquelle vous faites allusion n'a rien à voir avec l'attentat du Glandier. En êtes-vous sûr ? Comme de moi-même. Comme de vous-même. Dans ce cas, monsieur Darzac, la situation devient un peu plus simple. La lettre n'a rien à voir avec le crime. Eh bien, signalez donc sa présence à la police. Jamais. Et pourquoi ? J'ai dit jamais. Monsieur Darzac, nous sommes dans une affaire mystérieuse. Il est aussi important de mettre en lumière un coin du mystère que d'éclairer le système lui-même. C'est une façon simpliste de circonscrire les recherches. Je suis au regret, monsieur Rouletabille. Ma façon d'envisager les choses ne me permet pas de changer ma réponse. C'est non. Écoutez, souffrez que j'insiste. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas le seul à connaître l'existence de cette lettre. Car enfin, c'est pas moi qui l'ai envoyée. Alors, à qui ferez-vous croire qu'elle n'a aucun rapport avec l'affaire ? Hein ? Vous ne répondez pas ? Vous savez très bien qu'on vous demandera pourquoi vous avez caché son existence. Cela me regarde, monsieur Rouletabille. Et en temps utile, j'aviserai. Monsieur Darzac, vous devriez avoir un peu plus confiance en moi. J'ai entendu Mathilde Stangerson lire la phrase « Le presbytère n'a rien perdu de son charme et le jardin de son éclat ». Elle avait un ton désespéré. Vous-même, vous avez prononcé le mot « crime » et des larmes coulaient de vos yeux. Ça aussi, je l'ai vu et entendu. Vous n'avez pas le droit, monsieur. De plus, on a annoncé partout votre mariage avec Mathilde Stangerson et brusquement, ce mariage devient impossible à cause de l'auteur de cette lettre. Qui vous permet de dire cela ? Votre réponse. Me faudra-t-il commettre un crime pour vous avoir à moi ? Voyez-vous, monsieur Darzac, la situation est la suivante. Il y a quelqu'un entre Mathilde Stangerson et vous qui lui défend de se marier. Quelqu'un qui préfère qu'elle meure plutôt que de la savoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Si vous avez une meilleure interprétation, je serai reconnaissant de m'en faire part. Quand j'ai relevé les yeux sur Robert Darzac, mon chat Sinclair, j'ai vu ses traits décomposés, son front en sueur, ses yeux remplis d'effroi. Et je dois dire, il fallait avoir un culte impitoyable de la vérité pour lui asséner en guise de conclusion ces phrases affreuses qui achevaient de l'anéantir. Ah bon ? Parce que ce n'était pas fini. Eh non, j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Et maintenant, monsieur Darzac, il ne vous reste plus qu'à me confier le nom de l'assassin. Monsieur Rouletabille. Je vais vous demander quelque chose qui va sûrement vous paraître insensé. Non, je vous écoute. En échange de quoi, je donnerai ma vie, s'il le faut. Vous entendez ? Je donnerai ma vie. Monsieur Darzac, croyez bien que même après ce que je viens de vous dire, je vous écoute avec infiniment de sympathie. Eh bien, je vous demande, comme une prière, d'observer la plus entière discrétion sur ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Élysée. Il ne faut en parler ni devant les magistrats, ni devant la police. Devant personne. Oui, mais monsieur Darzac... Je vous jure que je suis innocent. Et je sais, enfin, je sens que vous me croyez. Alors, sur ce que j'ai de plus cher au monde, j'aimerais mieux passer pour un coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Oui, cette phrase... Il faut que la justice l'ignore, c'est impératif. Ce que vous me demandez est extrêmement grave, monsieur Darzac. Vous me mettez dans une situation... Je le sais. Mais toute cette affaire vous appartient. Enfin, je vous la donne. Je vous la donne à une seule condition. Vous oubliez entièrement la soirée de l'Élysée. Et si pourtant c'était là la clé de l'énigme ? Ne pouvez-vous concevoir qu'il existe d'autres clés ? Quelle attitude troublante, mon Dieu. Oui. Le mystère épaissit le ciel du glandier et les êtres les plus équilibrés, les plus clairs, ceux que nous pensons les plus limpides, deviennent soudain incompréhensibles. Oui, le presbytère, le jardin. Vous vous souvenez, mon bon maître, de la découverte que j'ai faite dans les cendres de la cheminée de l'orateur ? Très bien, très très bien, le fragment de lettre. Oui, qui portait la date du 23 octobre. Bah, je me souviens parfaitement. Ben voyez-vous, à l'évidence, ça signifie que Mathilde Stangerson est allée chercher la lettre au bureau de poste numéro 40 le jour même où elle a été écrite. Et ce soir-là, Mathilde a voulu détruire le papier compromettant. Malheureusement, le feu ne s'en est pas chargé entièrement. Et voilà, le jeu du hasard et de l'amour. Dites, Joseph, expliquez-vous clairement au lieu de massacrer Musset qui ne vous a rien fait, et uniquement pour vous faire un mot. Oh, simplement, mon cher, une phrase entendue par accident, quelques caractères épargnés par la flamme, et tout est remis en question. Écoutez, Joseph, je suis sensible à toutes ces confidences, mais j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous avez vécu pendant mon absence au château du Glandier. Une semaine entière, mon cher. J'y arrive, j'y arrive. Et puis cette phrase inquiétante, à portée revolver, au pluriel. Bon, en dehors de la canne trouvée par Larsan, il y a donc des signes extérieurs, infiniment plus sérieux, et qui accable Darzac. Vous ne pouvez jamais vous en tirer avec une seule question, hein, bon Sinclair. Toujours deux au moins. Bon, eh bien, en ce qui concerne la seconde, c'est vrai, tout converge vers Darzac et sa situation devient un peu plus épineuse. Mais est-ce qu'il en est conscient ? Le contraire me paraît impossible. Par contre, il donne l'impression à tout le monde de s'en préoccuper autant que de sa première paire de fixes chaussettes. Mais c'est incroyable. Oui, mais c'est comme ça. Ben alors ? Bah alors, une seule et unique chose semble avoir de l'intérêt pour notre intéressant ex-fiancé, la santé de Mathilde Stangerson. Bah écoutez, ça parle d'un excellent sentiment. Ça. Oui. Et oui. Comment va-t-elle ? Aujourd'hui, mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Oh, soyons jamais sérieux. Mais si, oui, vous avez raison. Ah, ça détend un peu. Allez, bon, revenons-en à Robert Darzac. Je voulais démontrer tout, tout, tout se retourne contre lui. Il ne s'agit plus de croire maintenant, il s'agit de constater. Eh oui, les pas et les gants relevés par Frédéric Larsan peuvent très bien être les pas du fiancé de Mathilde Stangerson. Et le bon bout de la raison, cher ami, l'empreinte de la bicyclette peut très bien être celle de Robert Darzac. La chose a été contrôlée, plutôt deux fois qu'une. Non, Joseph. Bon, je vous accorde que c'est troublant, mais enfin, c'est insuffisant pour décider d'une chose aussi grave que la culpabilité d'un homme honorable. Ah. Et puis, enfin, il faudrait admettre la possibilité d'une hypocrisie ignoble, monstrueuse. Enfin, Joseph, feindre l'amour et tuer, c'est impensable. Oui, c'est impensable. Vous plaiderez plus tard, mon cher maître. Non, mais écoutez-moi. Puisque Darzac avait cette bicyclette, il l'a laissée en permanence au château du Glandier. Pourquoi l'avoir ramenée à Paris, justement, à ce moment-là? Mais coïncidence. Et si c'était parce qu'il ne devait plus revenir au château? Ah, si la rupture de son mariage avec Mathilde entraînait ipso facto la rupture des relations avec les Stangerson. Mais c'est de la folie furieuse. Oui, en apparence, vous avez raison. En effet, chacun des intéressés affirme que ces relations n'avaient aucune raison de cesser. Seulement, voilà, Frédéric Larsan, lui, est persuadé que tout est rompu. Mais écoutez, Joseph, je sais que vous considérez Larsan comme un policier subtil. Mais enfin, c'est un homme. Il sent, il respire, il raisonne. Vous avez été même jusqu'à dire qu'il raisonnait comme un tambour. Alors, sur quoi se base-t-il? Là, les faits incitent à la prudence et à la réflexion, vous voyez. Primo, c'est Robert Darzac qui accompagne Mathilde au magasin du Louvre. Oui. Et alors, coïncidence, c'est là que la jeune femme perd son petit sac contenant la clé à tête de cuivre. Bon, je vous suis, et après. Bon. Et après, bizarre, ils ne se revoient plus. Ils ne se reverront plus. Qu'à la soirée, chez le président de la République. Voilà, exactement. Tout se passe comme si les rencontres Mathilde, Robert Darzac jalonnaient l'affaire du Glandier et contribuaient à chaque fois à la faire avancer. Enfin, tout de même, vous dites vous-même qu'entre l'après-midi au magasin du Louvre et la soirée de l'Élysée, les fiancés ne se sont pas revus. Bon, mais imaginez qu'ils se soient écrits. Hein? Mais il n'y a aucune preuve. Ah, Frédéric Larsan n'est pas loin de penser que la lettre... La fameuse lettre serait l'œuvre de Robert Darzac. Bon, d'accord, mais vous étiez, vous, dans les jardins de l'Élysée, Joseph. Mmh. Et vous savez très bien que si Robert était l'auteur de la lettre, ce serait un véritable non-sens. Maître Sinclair. Oui. Frédéric Larsan ignore tout de la soirée élyséenne. Ben alors, il échafaude. Pour lui, Robert Darzac a subtilisé le petit sac contenant la clé à tête de cuivre. Il s'est ensuite emparé des documents les plus précieux du professeur Stangerson. Il est résolu à ne les restituer que sous promesse expresse de mariage. Ouais. Alors là, écoutez, j'ai entendu au cours de ma carrière pas mal d'absurdités, mais franchement, Joseph, nous atteignons des sommets. C'est un Himalaya de bêtises. Et c'est pas tout, Sinclair. Il y a plus grave. Beaucoup plus grave. D'abord, un fait bizarre que je ne parviens pas à expliquer. Sure. Vous vous souvenez qu'un homme s'est présenté le 24 octobre au bureau de poste numéro 40 après que Mathilde Stangerson ait retiré la veille la lettre qui lui était adressée. Mais je m'en souviens parfaitement. Vous êtes assis? Mmh. Eh bien, restez-le. Ouais. Cet homme répond point par point au signalement de Robert Darzac. Non. Et pourtant, c'est pas lui, ça ne peut pas être lui. Alors... Ah ben, d'où tenez-vous cette certitude? Ou du simple bon sens, Sinclair, du... Ah oui, du bon bout de la raison, je sais. Admettons, comme le croit Frédéric Larsan, que ce cher Darzac soit l'auteur de la lettre. Mmh. S'il en est ainsi, Robert Darzac n'a aucune raison de se présenter le 24 octobre au bureau de poste numéro 40. Ouais. Bon, jusqu'ici, vous êtes parfaitement clair. Et quelle est la véritable signification de cette démarche auprès du bureau de poste? Ah. Eh bien, simplement que le voleur du petit sac noir, l'auteur de la lettre, s'impatiente de ne pas encore tenir la réponse. Eh oui. Il écrit et on ne lui répond pas. Il s'inquiète et est incapable de conserver son calme. Il se rend au bureau de poste. Il cherche à savoir si la lettre portant sur l'enveloppe l'inscription convenue M-A-T-H-S-O-N a bien été retirée. L'employé lui répond par l'affirmative et il s'en va furieux. Voilà, de mieux en mieux, c'est ça, exactement. Eh bien, ravi de vous l'entendre dire, mais Joseph, qu'essayez-vous de prouver en ce moment? Mais comment ça? Ben oui, où voulez-vous en venir? Oh, mais enfin, écoutez, c'est très simple. L'attitude de l'inconnu trahit la déception, l'impatience. Mmh. La lettre a été retirée et pourtant ce qu'il demandait ne lui est pas accordé. Ah bon? Et vous le savez, vous, ce qu'il demandait? Personne ne le sait. Ah si, quelqu'un. Mathilde Stangerson. Ah. Bon, essayons de poursuivre un peu notre raisonnement. L'homme qui s'est présenté au guichet du bureau de Poste 40 ne peut pas être Robert Darzac. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, parce que Robert Darzac savait depuis la veille au soir que Mathilde avait la lettre en sa possession. Elle lui en avait lu un passage dans le jardin de l'Élysée au cours de la soirée. Ça, c'était le 23. Et je le sais d'autant mieux que j'y étais. Tout à fait juste. Bon, poursuivons. Alors, tout nous porte à croire, en tout cas, rien de sérieux ne l'infirme, que celui qui est venu réclamer la lettre est celui qui l'a écrite. Pas d'objection? Aucune objection, votre honneur. Par voie de conséquence, s'il a écrit la lettre, il est fort probable qu'il soit le voleur du petit sac noir contenant la clé à tête de cuivre. Toujours logique. Merci. Maintenant, si on admet que le voleur du petit sac noir est l'assassin, toute notre théorie devient indémontable. Et le plus incroyable, c'est que Frédéric Larsan a analysé la situation exactement de la même manière. Seulement, voilà, il y a une chose qu'il ignore, lui. C'est la scène de l'Élysée. Et il est trompé par la ressemblance de l'inconnu avec Darzac. C'est QFD. Le grand Frédéric Larsan fait de Darzac l'assassin de Mathilde. Mais alors l'inconnu? Oui. Bah, l'inconnu peut très bien... Oh, mon cher maître. Alors là, mon cher maître, sans le vouloir, et grâce à un numéro de bafouillage stupéfiant, vous venez de frôler la vérité. Non, écoutez, alors franchement, Joseph, là franchement... Non, ça va, vous fâchez pas. Allez. Mais je vais vous dire ça très clairement. En fait, vous vouliez supposer que quelqu'un a très bien pu se présenter au bureau de poste numéro 40 en se faisant passer pour Robert Darzac. Eh ben voilà, vous me l'avez ôté de la bouche. Ben, ça valait mieux. Mais bon, Joseph... De la même façon, il est vraisemblable que quelqu'un ait cherché à se faire passer pour le père Jacques autour du pavillon de la Chambre jaune. Mais ben, c'est exactement ce que je voulais dire. Voilà, ben, je me suis simplement permis de gagner du temps en le formulant à votre place, mon cher maître. Alors, reprenons. Vous pensez bien que... Monsieur de Marquet, le juge d'instruction, Frédéric Larsan, moi-même, nous avons tout fait pour avoir auprès de l'employé du bureau de poste 40 les détails les plus précis sur ce singulier inconnu du 24 octobre. Ben, je vous signale également que je moi sais, oh, aussi... Je sais bien. Et alors, personne n'a pu savoir d'où il venait et où il s'en est allé. Et en dehors de ce signalement qu'il fait étrangement ressembler à Robert Darzac, rien, nib, nada, no signe. Mais vous n'êtes pas resté inactif. Comme c'est mon genre. J'ai fait passer une belle annonce dans le journal, un communiqué en première page, en encart cerné, pour que ça se repère mieux, tenez. Alors, forte récompense est promise au conducteur qui a déposé un client au bureau de poste 40... Dans la matinée du 24 octobre aux environs de 10h, discrétion assurée, s'adresser au journal L'Époque... Et demandez J.R. J.R. Joseph Rouletabille, bien sûr. Alors, résultat? Ben, le désert, mon cher, le désert. Pas un appel, pas une touche. Bien sûr, l'inconnu peut être allé au bureau de poste à pied, mais puisque nous avons conclu qu'il était pressé, je croyais plus logique de courir ma chance auprès des chauffeurs ou des cochers de fiacre. Ah oui. Oh, Sinclair, tout ça se complique, je n'aime pas ça. Ah oui, ben, c'est bien la première fois depuis que je vous connais que je vous vois dans cet état. Alors, subtil, dans la rédaction de mon communiqué, je n'ai pas donné la description de l'homme afin que tous les conducteurs qui pouvaient avoir vers 10 heures conduit un client au bureau de poste 40 viennent m'en faire part. Et il n'en est pas venu un seul. Pas un seul, le désert, je vous le dis, le désert. Alors depuis, je me suis demandé, nuit et jour, quel est ce personnage qui ressemble aussi étrangement à Robert Darzac et que nous retrouvons en train d'acheter une canne tombée entre les mains de Frédéric Larsan. Non. Bonsoir, mais c'est vrai. Mais j'avais oublié la canne, la fameuse canne de chez Cassel. Oui, et alors le plus grave de tout ça, c'est qu'à la même heure où à peu près Robert Darzac, qui est chargé de cours à la Sorbonne, vous vous souvenez, s'est trouvé curieusement absent. Son sosie, dans le même temps, allait chercher la lettre. Oh non. Oh non, c'est pas vrai, oh, c'est non, pas possible. Non, pardon, Darzac a été remplacé ce jour-là par un de ses confrères et amis. Et vous avez interrogé Darzac? Vous pensez bien. Et alors là, sa réponse m'a laissé pantois. Ah bon? Ah oui. Mon bon maître, écoutez-moi, Darzac m'a répondu le plus paisiblement du monde qu'il avait fait plusieurs fois le tour du Grand Lac au bois de Boulogne, histoire de prendre de l'exercice. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Alors là, franchement, Joseph, les bras m'en tombent. Moi, je ne sais plus que penser. Enfin... Depuis que je suis de retour au Glandier, vous passez votre temps à asséner des preuves épouvantables de la culpabilité de mon ami Darzac, alors qu'en plus, vous le savez innocent. Et c'est pas fini, mon cher ami. Ah bon, parce qu'il y a encore autre chose? Ah bah oui, hélas. Je redoute le pire. Ah ouais, redoutez. Il est incapable, ou en tout cas il refuse, de communiquer son emploi du temps en ce qui concerne la nuit du 24 au 25 octobre. C'est pas étonnant dans ce cas-là que Frédéric Larsan s'acharne à prouver sa culpabilité. On serait obstiné à moi. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Darzac a répondu à Frédéric Larsan que ce qu'il faisait de son temps quand il était à Paris ne regardait que lui. Oh, que c'est mauvais. Ah oui, c'est en tout cas la façon la plus stupide pour se disculper. Mais il est devenu fou. Oui, c'est ce qui a fait dire à Larsan « Je découvrirai bien et sans l'aide de personne l'emploi du temps de Robert Darzac. » Vous voyez, quand je vous disais que tout allait mal, j'étais pas en dessous de la vérité. Enfin, pourquoi Darzac se conduit-il de cette façon? De temps que ça apporte toute l'eau souhaitable au moulin de Larsan, réfléchissez Sinclair, si c'est Robert Darzac l'assassin, et si c'était lui qui se trouvait dans la chambre jaune, cela expliquerait du même coup l'attitude du professeur Stangerson. Mais comment ça? Frédéric Larsan prétend que l'assassin n'a pu sortir qu'avec le consentement volontaire du professeur. Et alors? Dans le cas présent, le professeur aurait laissé partir le fiancé de sa fille. C'était « Le mystère de la chambre jaune » de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Aujourd'hui, 12e épisode. Avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe Derez, Darzac, Michel Rull. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation, Arlette Adrian, Daniel Coccol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe Derez. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin, de son éclat. Alors, voyez-vous, Joseph, je n'arrive pas à me faire à l'idée que le professeur ait pu laisser partir l'assassin de sa fille, même s'il a reconnu Darzac. Et c'est pourtant sur cette hypothèse que Larsan est en train de se fourvoyer. Mais ça a l'air de vous réjouir. Ça n'est pas pour me déplaire. Hélas, il y a un innocent en cause. Et pour être tout à fait franc, je me demande si Larsan est dupe de sa brillante hypothèse. Il y a toute cette accumulation de coïncidences. Ah, mais bon sang, des tonnes de coïncidences n'ont jamais fait l'ombre d'une preuve. Ouais, c'est ça la justice, quand on commence à farfouiller dans les coïncidences, on perd de vue la vérité, on va tout droit à l'erreur judiciaire. Ouais, et c'est sûrement ce que doit penser M. de Marquet. Oui, lui, il hésite, faute de preuves formelles. Car il peut tout faire sauf accuser clairement Darzac. Il aurait toute l'opinion sur le dos, la Sorbonne, le professeur Stangerson, Mathilde. Mm-hmm. Bah oui, elle a beau être victime, elle aime profondément Darzac. Alors voilà pourquoi Darzac est encore libre. Vous rendez compte, si peu que Mathilde ait vu l'assassin, personne n'arriverait à faire croire au public qu'elle n'a pas reconnu l'homme qu'elle aime, son fiancé, si celui-ci était son agresseur. La chambre était obscure. Ah oui, enfin vous oubliez la veilleuse. Bon, cela dit, je crois que nous serions bien avisés d'aller faire un tour dehors. Oui, le moment est venu de répondre à la première de l'une de ces doubles questions dont vous avez le secret. Un événement, figurez-vous, plus mystérieux que le mystère de la chambre jaune. Avoue que vous avez l'art d'éveiller l'intérêt. Merci. C'est passé, voici 3 nuits. Mais je vais plutôt vous conduire sur les lieux. Ah bon. Je tiens à ce que vous puissiez comprendre. Ou plutôt que vous soyez persuadé qu'il est impossible de comprendre. Si vous-même n'avez rien compris, alors... Justement, mon bon maître, c'est ce qui me fait dire que ce mystère-là est beaucoup plus difficile à élucider que celui de la chambre jaune. Parce que vous savez comment l'assassin en est sorti? En effet, oui. Avec le concours du professeur Stangerson? Sans aucune complicité. Mais... Non, ne me demandez rien. Tant que je ne serai pas sûr de la personnalité de l'assassin, je saurais vous dévoiler mon hypothèse. Mais je la crois juste. Et elle a le mérite d'être tout à fait naturelle. Tout à fait naturelle? Oui, je veux dire extrêmement simple. Regardez. Oui. Vous le reconnaissez? Oh, ben oui. L'homme vert, le garde du glandier. Bonjour, monsieur. Non, vous fatiguez pas. Hein? Vous avez vu, fusil en bandoulière, pipe en bouche, lunettes sur le nez, pas un mot, pas un signe. Très rarement un grognement. Mais vous avez essayé de lui parler? Je n'arrive pas à déchiffrer son dialecte. Ce que j'ai mieux compris, ce sont ses haussements d'épaules. Ouais, le garde dans toute son horreur, quoi. Il ne doit vivre et penser qu'au braconnier. Ouais, non, ne croyez pas ça. Il n'est aimable qu'avec les filles, et s'il se relève la nuit, c'est surtout pour se rendre à des rendez-vous galants. Tiens-toi. Oui. Sylvie, la femme de chambre de Mathilde, est sa maîtresse. Ah ben oui, mais alors ça lui évite donc de sortir la nuit. En théorie seulement, avec Sylvie, il y a de l'eau dans le gaz et votre homme est amoureux fou de Madame Mathieu. Oh, la femme de l'aubergiste. Tout juste. Seulement le père Mathieu est tellement jaloux qu'il empêche sa femme de marcher au soleil, à cause de l'ombre. Résultat, le garde est dans la quasi-impossibilité de rencontrer l'objet de ses œufs. Eh oui, et c'est ce qui le rend aussi aimable qu'un tronc d'arbre. Cela dit... Il est bel homme, hein? Oui. Soigné de sa personne. Oui. Presque élégant. Oui, ce qui explique son succès auprès de tout ce qui porte jupon à 3 lieues à la ronde. Tenez, arrêtez-vous, Sinclair. Vous voyez cette fenêtre? C'est l'une de celles qui donnent sur les appartements de Mademoiselle Stangerson. Eh bien, si vous étiez passé par là il y a 2 nuits, mon cher, sur le coup d'une heure du matin, vous auriez vu Joseph Rouletabille perché sur une échelle, s'apprêtant à pénétrer dans le château par cette fenêtre. Oh! Ah, je suis déçu que vous ne puissiez pas voir la tête que vous faites en ce moment. Allez, tenez, venez, nous allons grimper au premier étage, aile droite. C'est là que j'habite. Que vous enregistriez tous les lieux que je vais vous indiquer et gardez tout ça précieusement au fond de votre mémoire. Bah, je peux toujours essayer. Voilà. Alors, ici, nous sommes en haut de l'escalier. Mm-hmm. Mais retenez bien, parce que tout à l'heure, quand je vous aurai raconté ce qui s'est passé, la première chose que vous me lancerez à la figure, c'est que je me suis trompé sur la topographie des lieux. Oh, je vous en prie, ne me faites pas plus horrible que je ne suis. Bien. Je vous écoute. Bien, bien. Alors, ensuite, nous avons devant nous, à droite et à gauche, comme vous voyez, une galerie. Mm-hmm. Sur cette galerie ouvrent 5 pièces. Première porte à gauche, que vous apercevez, l'appartement du professeur Stangerson. Bon, à notre droite, dans l'ordre, la chambre, avec salle de bain, antichambre, boudoir et salon de Mathilde Stangerson. Au bout de cet appartement, une chambre de débat. Bien. Donc, 3 portes seulement de l'appartement donnent sur le couloir. Bien, très bien observé. Ah. Seule ouvre sur la galerie, l'antichambre, le salon et la chambre de débat. Bon. Par ici. Bien, maintenant suivez-moi, je vais vous montrer ma chambre. Ah bon? Non, Sinclair, ne continuez pas à droite, c'est un cul-de-sac. Il n'y a au fond qu'une fenêtre. Elle était également fermée ce soir-là. Voilà, maintenant, venez, on tourne à gauche et nous entrons dans ce que j'appelle la galerie tournante. Vous remarquerez qu'elle ouvre à angle droit aux 2/3 de la galerie droite. Ce bout de galerie, qui serait le petit morceau d'un L, voyez bien, dessert, lui, 2 chambres. La première, la mienne, et la deuxième, celle de Frédéric Larsan. Et au fond, vous avez une fenêtre qui donne sur une terrasse. Cette terrasse, d'ailleurs, surmonte une pièce en encorbellement au rez-de-chaussée. Eh bien, moi, je vais vous dire, tout ça me paraît très simple. Oui, c'est exactement ce que je me disais, et depuis, j'ai changé d'avis. En tout cas, fourrez-vous cette fenêtre dans la mémoire, c'est la seule qui ait été ouverte cette nuit-là. Ah, venez. Entrons chez moi, nous serons mieux pour parler. Je vous en prie. Mais c'est charmant chez vous. On vous dorlote, mon petit Joseph. Mais je me demande toujours pourquoi. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, je réponds sans aucun risque d'erreur, ce sont des lunettes. Ben oui, mais pourquoi sur mon guéridon? Oui, alors là, par contre, vous m'en demandez trop. À moins que quoi? À moins que ces lunettes ne soient celles que je cherche, c'est-à-dire des lunettes de presbyte. Enfin, Joseph, c'est pas vrai, vous avez juré de me faire mourir d'une rupture d'anévrisme. Non, écoutez, j'ai l'intention de vivre encore quelques années, ne serait-ce que pour suivre passionnément vos enquêtes. Alors je vous le dis nettement, mon petit Joseph, il faut parler. Ces lunettes me rendent fou, car la chose est possible, voyez-vous, mathématiquement parlant, humainement parlant, on se rue de plein pied dans l'impossible, le surnaturel, le délirant, et encore je me retiens. Oui, entrez. Asseyez-vous, madame Bernier. Dans la rainure du parquet. Merci, madame Bernier. À votre service, monsieur Rouletabille. Joseph, ça fait 5 minutes que je ne comprends plus un seul mot de ce que vous dites. Par contre, les concierges ont été relâchés. Oui, en effet, j'ai obtenu ça. Ah, j'ai besoin, vous comprenez, de gens sûrs, dévoués. Madame Bernier me mangerait dans la main. Et son mari se ferait gaiement sauter sur un bâton de dynamite pour me faire plaisir. Eh oui. Et puisque les lunettes sont des lunettes pour presbyte, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je vais effectivement avoir besoin de gens qui seraient tués pour moi. Alors là, je comprends mieux. Voilà pourquoi vous m'avez demandé d'apporter des revolvers. J'ai raison? Mais oui, tout à fait. Et serait-il indiscret de vous demander quand, à votre avis, il sera utile de se faire tuer pour vous? Mais dès ce soir, mon cher Sinclair. Dès ce soir. Ah bon? Si tôt que ça? Croyez bien que si je pouvais l'éviter... Oui, ça je m'en doute. Et de plus en plus indiscret, pardonnez-moi, mais pourquoi ce soir? Tout simplement parce que ce soir, j'attends l'assassin. Non, c'est pas vrai. Vous attendez vraiment ce soir? Oui. Mais je suis insensé. Alors que nous sommes là tous les deux, on parle, et vous connaissez l'assassin? Doucement, Sinclair. Il se peut que je connaisse l'assassin. Je serais fou d'affirmer catégoriquement une chose possible, mais l'idée mathématique que j'ai de lui donne des résultats si effrayants, si monstrueux, que j'espère encore de toutes mes forces que je suis en train de me tromper. Oui, vraiment de toutes mes forces. Non, écoutez, mon petit Joseph, je préfère encore mourir que de vivre fou. Alors, comment se fait-il que vous ne connaissiez pas l'assassin il y a 5 minutes et que vous puissiez dire maintenant que vous l'attendez ce soir? Parce que je sais qu'il doit venir. Dites-moi, Joseph, Frédéric Larsson n'est-il pas dans sa chambre de l'autre côté de la cloison? C'est pas la peine qu'il entende. Non, il est pas là, il a dû partir ce matin pour Paris. Ah. Oui, il est toujours sur la piste de Darzac. Car Robert Darzac est parti lui aussi ce matin pour Paris. Tout ça va très mal se terminer, mon bon ami. Sérieusement? Je prévois l'arrestation de Robert Darzac avant une semaine. Les choses en sont à ce point? Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout semble se liguer contre lui. Les événements, les choses, les gens. Il ne se passe pas une heure sans qu'on trouve une accusation nouvelle. Je vous l'ai dit, de Marquet ne sait plus quoi faire. À mon avis, si on lui retirait l'affaire à celui-là, je crois qu'il irait porter un paquet de cierges à Saint-Antoine. Et par ailleurs, Frédéric Larsson n'est pas un débutant. Vous voulez le fond de ma pensée? À défaut de l'assassin. Eh bien, j'ai cru longtemps que le grand Frédéric Larsson était le plus fort. Enfin, beaucoup plus fort que ça. Mais bon, bien sûr, c'est pas le premier venu. Ah, tout de même. Mais j'ai une certaine admiration, pour tout vous dire, pour ses méthodes, sa façon d'appréhender une enquête. Oui, j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Ah bon? Vous mettez ça au passé? Que voulez-vous, mon cher? J'ai quand même eu le temps de l'observer pendant votre absence. Il farfouille d'une façon déplorable. Oh! Oui, je comprends votre réaction, car il ne manque pas de flair, mais... Sur le plan philosophique, psychologique, mathématique des choses, alors là, c'est d'une pauvreté affolante. Eh ben, dis donc, vous y allez pas avec le dos de la cuillère, ou... Pensez ce que vous voulez. Je le roulerai dans la farine, d'une façon retentissante encore. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre, car il a sur moi une avance considérable. Ah bon? Oui, l'avance que lui a donnée Robert Darzac, et que ce malheureux va encore aggraver ce soir, songez donc. Chaque fois que l'assassin vient au château... Mm-hmm. Par une étrange fatalité, il se trouve que Robert Darzac est absent et refuse de donner son emploi du temps. Comment ça? L'assassin revient au château? Il est revenu? Oui, Sinclair. Pendant cette fameuse nuit où s'est produit le fameux phénomène... Vais-je enfin savoir ce qui s'est passé? Mais bien sûr, puisque je vous ai fait venir pour cela. Figurez-vous que cette nuit-là... Je ne dormais pas. Alors d'un bond, je suis au bas de mon lit. Vous pensez, je saute par la fenêtre, je l'ouvre. Un vent glacial, une pluie serrée, une nuit noire. Et un silence vraiment angoissant. Mais qui peut, sur le coup de minuit, imiter le miaulement de la bestiole de la mer à genoux? Alors là, j'enfile mon pantalon, ma veste, je prends un gourdin qui d'ordinaire me sert de canne. J'arrive dans le couloir. La lampe à réflecteur vacille. Un courant d'air. D'où vient-il? À gauche. Je passe devant la chambre de Larsson. Je fais quelques mètres. Et là, la fenêtre de la petite galerie, la galerie tournante, vous savez, est ouverte. Est ouverte, oui. Alors je me penche. Et alors là, de nouveau, l'horrible miaulement de la bête du bon Dieu. Et puis le silence. La pluie a cessé de frapper les vitres. Un silence terrible. Je ne saurais expliquer pourquoi, mais un étrange sentiment m'étreint. Pourquoi subitement, je me dirige vers la porte de la chambre de Mathilde? Oui. Pourquoi une voix crie en moi sans arrêt, va, vers cette chambre, c'est là qu'est le danger. Et à ce moment-là, en baissant les yeux, j'aperçois des traces de pas qui conduisent précisément vers la chambre de la fille du professeur. Ces pas ont laissé quelques marques de boue. Preuve qu'ils sont venus du dehors. Alors je les suis et je reconnais, horrifié, les pas élégants, les pas de l'assassin. Il est venu du dehors. J'avance encore, tout doucement. Je me dis, l'assassin est toujours dans le château, puisque les traces de pas ne vont que dans un seul sens. Il est donc dans la chambre de Mathilde. Je m'approche, sans faire le moindre bruit. La porte est ouverte. Je la pousse légèrement, en retenant ma respiration. Je pénètre dans l'antichambre obscure et là, sous la porte de la chambre même, filtre un ray de lumière. Alors j'écoute. Rien. Le silence. Pas un bruit. Même pas celui discret d'une respiration. Et dire que l'assassin est peut-être là, qu'il doit être là, sûrement, il faut absolument que je puisse voir ce qui se passe dans cette chambre. Je suis convaincu que l'assassin s'y trouve, alors pourquoi ne pas donner l'alerte immédiatement? Sans doute réussira-t-il à s'enfuir, mais du moins aurais-je eu la satisfaction d'avoir sauvé Mathilde. Que dois-je faire? Comment agir? Entrer brusquement dans cette pièce éclairée mais silencieuse, s'il y a tant de silence derrière cette porte. C'est apparemment parce que on a besoin de silence. L'important, c'est de voir dans cette chambre. Alors ma décision est prise, je rebrousse chemin et je sors. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Rouletabille. Ouvrez-moi, Père Jacques. Et alors? Vous êtes encore habillé, vous vous couchez non jamais? Il est pourtant bien tard. Et c'est ce foutu cri de la bête du bon Dieu qui m'a réveillé. Ah bon? Et puis en mettant le nez à la fenêtre, j'ai entendu des pas dans le parc. Vous avez vu quelqu'un? Ah, quelqu'un, je sais pas, mais... Et quelque chose, c'est sûr. Oui. Mais ça va vous paraître bête, ce que je vais vous dire, mais... On aurait dit un fantôme. Un fantôme noir. Vous aviez votre arme? Ben, sûr que non. Depuis que M. de Marquet, le juge d'instruction, a trouvé mon revolver, il l'a gardé, il ne l'a pas rendu. Bon, allez, venez, Père Jacques, suivez-moi. Ah, mais où donc? Venez, je vais vous dire. Figurez-vous qu'il y a de la lumière dans la chambre de Mademoiselle Stangerson. Oh, et c'est pour ça que vous me dérangez. Elle fait bien ce qu'elle veut, notre demoiselle. Une grosse entêté. Une échelle. Allez chercher une échelle. Une échelle, bon. Aujourd'hui, la fenêtre est ouverte. Et cette fois-ci, non seulement je veux voir, mais je veux entendre. Et si possible, agir. Mais j'ai eu du mal à la trouver. J'ai été la chercher dans la salle du donjon qui nous sert de débarras au jardinier et à moi. Et c'est là qu'on range l'échelle d'habitude. Eh ben, elle n'y était pas. Hein? Et alors, où l'avez-vous trouvée? Appuyée à l'encorbellement. Juste au-dessous de la fenêtre qui se trouve au bout de la petite galerie. Et pratiquement à deux pas de votre chambre. Bon, ben je la prends. Attendez une seconde. Et le plus curieux, c'est que c'est en bas que dort le garde. L'homme en vert? Et tout juste. On l'a installé là depuis que le professeur Stangerson a décidé des réparations et l'aménagement du donjon. Bah, j'ai pas de temps à perdre alors. Et ben alors. Il est pas là, c'est tout. Il est pas encore couché. Il est passé minuit, il est pas encore au lit. On s'occupera de ça plus tard, allez. Pendant que je monte, vous me tenez l'échelle, compris? Oui, oui. Bon. Allez-y. Attendez, posez-la contre le mur. Bon. Eh ben, vous pouvez monter. Je tiens bon. Alors, je me mets à monter doucement les degrés de l'échelle. Je retiens ma respiration. Je pose les pieds avec des précautions infinies, vous vous en doutez. Et soudain... Nouveau cri de la bête du bon Dieu. Pendant un court instant, je me pose la question de savoir s'il ne s'agit pas d'un signal. Et c'est vrai, j'avais l'impression que le cri avait été poussé quelques mètres derrière moi. Peut-être une façon comme une autre de faire venir l'assassin à la fenêtre, qui sait. Et soudain, je le sens. Il est là. Il est à la fenêtre. Je sens sa présence au-dessus de moi. J'entends son souffle. Et moi, je ne peux pas bouger le plus petit mouvement et je suis perdu. va-t-il me voir, baisser les yeux dans la nuit? Non. Il s'éloigne, il n'a rien vu. Mais je le sens marcher dans la chambre. Je gravis encore 3 échelons. Ma tête arrive à la hauteur de la pierre d'appui, encore quelques centimètres. Et je le vois. Mon Dieu, vous l'avez vu? De dos. L'homme me tourne le dos. Il est assis au bureau de Mathilde et il écrit. Une bougie éclaire devant lui et projette des ombres qui déforment sa silhouette. Son dos est courbé et monstrueux. Des choses stupéfiantes. Mathilde n'est pas là. Son lit n'est pas défait. Je me demande où elle couche cette nuit. Peut-être dans la chambre d'à côté avec Sylvia et Madame Bernier. Simple hypothèse. Et l'homme est seul. Alors là, je crois rêver. Mais qui est celui qui, installé à ce bureau, écrit tranquillement comme s'il était chez lui? Bon, s'il n'y avait pas les pas de l'assassin dans la galerie, la fenêtre ouverte, l'échelle, je pourrais peut-être penser que cet homme a le droit d'être là. Mais non, je suis en présence du mystérieux inconnu, l'homme de la chambre jaune. Celui dont Mathilde est obligée de subir les coups sans pouvoir le dénoncer. Il faut que je le surprenne. Il me faut voir sa figure absolument. Alors, vous l'avez vu? Nous le tenons. Posez l'échelle à terre, Père Jacques, et suivez-moi. Je monte prévenir Larsan. Larsan, ouvrez. Qu'est-ce que c'est? Rouletabille, ouvrez vite. Ah, oui. Dormez donc jamais. Alors, que se passe-t-il à une heure pareille? L'assassin est là. Diable. Oui, l'assassin, rien que ça. Oh. Vous devriez vous méfier de vos rêves, mon jeune ami. Vous lisez trop vos articles. Bon, écoutez, vous ferez de l'humour une autre fois, je vous dis qu'il est là, je l'ai vu. Ah, alors là, si vous l'avez vu, c'est différent. Et où est-il? Dans la chambre de Mathilde. Mon Dieu. Et elle? Ben, autre part, puisqu'elle n'est pas dans sa chambre. Ah, oui. Et que comptez-vous faire? Bon, je vais vous l'expliquer, mais faites vite. Ah, oui, vous aviez l'intention d'agir seul. De laisser dormir ce brave Larsan. Seulement, voilà, le professeur est un vieil homme. Le père Jacques n'a plus rien d'un champion de lutte. Et moi, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de me colter avec la pègre, de passer des menottes. Alors... Vous êtes venu me réveiller. Pensez ce que vous voulez, mais écoutez, j'insiste en vous disant que le temps presse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous m'avez convaincu. Bien. Ah, vous voyez, je passe une robe de chambre. Oui, faites vite, je vous en supplie. Je vais prendre mon revolver. Voilà. Voilà. Et je vous suis. Je vous en remercie. Tout de même... Quoi tout de même? Tout de même, je n'arrive pas à croire que l'assassin soit au château du Glandier. Mais je vous dis que je l'ai vu. Ouais, ouais, ouais, ouais. Je vous en prie, pressons-nous. Je vous suis, je vous suis. Mais au fait, qu'est-ce qui vous fait supposer que ce n'est pas l'assassin qui est là? Oh, une supposition idiote. Je croyais l'avoir quitté cet après-midi à Paris. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Aujourd'hui, 13e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rèze, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, Madame Bernier, Anne-Alexandre. Bruitage Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocolle, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne.